Ésaïe chapitre 22. La charge de la vallée de vision. Qu'as-tu maintenant, que tu sois toute montée sur les toits? Toi pleine de tumulte, ville bruyante, ville qui ne demandait qu'à t'égayer? Tes blessés à mort n'ont pas été blessés à mort par l'épée, et ils ne sont pas morts par la guerre. Tous tes conducteurs sont allés errant çà et là ensemble, ils ont été liés par les archers, tous ceux des tiens qui ont été trouvés, ont été liés ensemble, s'en étant fui loin. C'est pourquoi j'ai dit, retirez-vous de moi, je pleurerai amèrement. Ne vous empressez point de me consoler touchant le dégât de la fille de mon peuple. Car c'est le jour de trouble, d'oppression et de perplexité, de par le Seigneur, l'Éternel des armées, dans la vallée de vision, il s'en va démolir la muraille, et le cri en ira jusqu'à la montagne. Même Élam a pris son carquois. Il y a des hommes montés sur des chariots, et qui a découvert le bouclier. Et il est arrivé que l'élite de tes vallées a été remplie de chariots, et les gens de cheval se sont tous rangés en bataille contre la porte. Et on a découvert ce qui couvrait Juda. Et tu as regardé en ce jour-là, vers les armes de la maison du parc. Et vous avez vu que les brèches de la cité de David étaient grandes, et vous avez assemblé les eaux du bas étang. Et vous avez fait le dénombrement des maisons de Jérusalem, et démoli les maisons pour fortifier la muraille. Vous avez aussi fait un réservoir d'eau entre les deux murailles, pour les eaux du vieux étang. Mais vous n'avez point regardé à celui qui l'a fait et formé dès longtemps. Et le Seigneur, l'Éternel des armées, vous a appelé ce jour-là aux pleurs et au deuil, à vous arracher les cheveux, et à ceindre le sac. Et voici il y a de la joie et de l'allégresse, on tue des bœufs, on égorge des moutons, on en mange la chair, et on boit du vin, puis on dit, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Or l'Éternel des armées m'a déclaré, disant, si jamais cette iniquité vous est pardonnée, que vous n'en mourriez, a dit le Seigneur, l'Éternel des armées. Ainsi a dit le Seigneur, l'Éternel des armées, va, entre chez ce trésorier, chez Sebna, maître d'hôtel, et lui dit, qu'as-tu à faire ici? Et qui est ici qui t'appartienne, que tu te sois taillé ici un sépulcre? Il taille un lieu éminent pour son sépulcre, et se creuse une demeure dans un rocher. Voici, ô homme, l'Éternel te chassera loin, et te couvrira entièrement. Il te fera rouler fort vite, comme une boule en un pays large et spacieux, tu mourras là, et là seront les chariots de ta gloire, de toi qui es la honte de la maison de ton Seigneur. Et je te jetterai hors de ton rang, et on te déposera de ton emploi. Et il arrivera en ce jour-là, que j'appellerai mon serviteur Eliakim, fils d'Ilkija. Et je le vêtirai de ta casaque, je le ceindrai de ton baudrier, je mettrai ton autorité entre ses mains, et il sera pour père à ceux qui habitent dans Jérusalem, et à la maison de Juda. Et je mettrai la clé de la maison de David sur son épaule, et il ouvrira, et il n'y aura personne qui ferme, et il fermera, et il n'y aura personne qui ouvre. Et je le ficherai comme un croc en un lieu ferme, et il sera pour trône de gloire à la maison de son père. Et on y pendra toute la gloire de la maison de son père, de ses parents, et de celles qui lui appartiennent, tous les ustensiles des plus petites choses, depuis les ustensiles des tasses jusqu'à tous les ustensiles des musettes. En ce jour-là, dit l'Éternel des armées, le croc qui avait été fiché en un lieu ferme, sera ôté, et étant retranché, il tombera, et ce dont il était chargé sera retranché, car l'Éternel a parlé.